Thank you. déranger. Je vais péter la basse. Thank you. bien. Bienvenue dans notre supermarché. Carrefour, nous en avons des promotions royales. Chocolat. Une pour t'acheter, un bon café. N'oubliez pas votre carte de fidélité. Il a changé de rythme parce qu'il en avait marre.